إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc aujourd'hui on continue بإذن الله تعالى وبعون الله سبحانه le livre intitulé من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى parmi les trésors du Saint-Coran du grand savant Abdel Mohsin Al-Abbad, qu'Allah le protège. On était toujours fait surat An-Nisa, surat An-Nisa, les femmes, et le prochain verset on rentrera dans surat Al-Ma'ida. Yaqul Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum وأنزلنا إليكم نورا مبينا. أو جن يا أيها الناس. الله عز وجل يخاطب الناس, c'est-à-dire il s'adresse à tous les gens. أو جن. Certes, une preuve évidente vous est venue de la part de votre Seigneur. Et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. نورا مبينا. Le cheikh, à travers les phrases écrites dans son livre, il va nous démontrer que le Coran est dans son livre, il y en a le terme le Coran qui désigne bien sûr le livre d'Allah Azzawajal, est désigné par le terme Nour. Le terme Nour, et qui bien sûr un Nour au niveau de la langue arabe veut dire la lumière, comme tout le monde le sait. Et il va démontrer plusieurs versets, ou il va nous apporter plusieurs versets qui démontre que Al-Maqsoud bi Al-Nur Al-Qur'an, donc plusieurs versets du Coran qui citent et qui reprennent ce terme Al-Nur, la lumière, veulent dire en fait ou expriment à travers ce terme là quoi? Al-Qur'an. Et on va le voir. Lorsqu'Allah Azzawajal yaqul qad ja'akum burhanun min rabbikum, burhanun min rabbikum, Al-Burhan c'est la preuve évidente. La preuve évidente, burhanum min rabbikum, et cette preuve, c'est bien sûr la preuve, comme le dit le shir, de ar-rububiyya, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa souveraineté, et également al-uluhiyya, l'unicité d'Allah Azzawajal dans sa divinité, dans l'adoration, et qu'il est bien sûr, par conséquence, le seul vrai Dieu. La seule vraie divinité qui mérite l'adoration. Ça c'est Al-Burhan qui est singulier. Et bien sûr son pluriel c'est Al-Barahin, c'est-à-dire Al-Adilla, les preuves. Donc dans le Coran regorge de ces preuves. Et on l'a vu lorsqu'on a expliqué le plus grand des versets qui se trouve fi le Coran et qui est Ayat al-Kursi. On a vu en fait qu'Allah Azzawajal, à travers simplement ce verset qui est considéré comme le plus grand verset, a apporté toutes les preuves suffisantes pour convaincre celui qui est voyant qu'Allah Azzawajal seul mérite l'adoration et que l'islam est donc la religion de la vérité. Et bien sûr, pourquoi le Coran il est cité comme étant lumière, nour? Tout simplement parce qu'il fait sortir les gens des ténèbres jusqu'à la lumière. Comme dit le shir ou le Coran, alladhi anzalahu Allah ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, al-mujtamil ala hidayatihim ila as-sirat al-mustaqim wa ikhraji min adh-dhulumati ila an-nur. Fa fil akhdh bil kitabi was-sunnah hidayatuhum wa sa'adatuhum fid-dunya wal-akhirah. C'est-à-dire la personne qui s'accroche au livre et qui s'accroche bien sûr à la sunna, qui s'accroche au livre et qui s'accroche à la sunna, alors il sera le bien guidé et automatiquement il sera joyeux non seulement dans cette vie d'ici-bas ou fil akhirah. ويقول وقد سمى الله ما انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم نورا لانه يضيء لهم الطريق الموصل الى ما في صلاحهم وفلاحهم. C'est-à-dire que Allah Azzawajal a employé ce terme nour pour désigner le Coran et donc pour désigner ce qui est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il tout simplement il montre la voie. Il montre la voie, il éclaire la voie. Donc c'est comme un éclaireur. Le Coran est comme un éclaireur, il éclaire en fait la voie. Lahum al-tariq. Et ay tariq, c'est-à-dire quelle voie, cette voie en fait qui va les mener à ce qu'il y a de droit. Et qui va les mener bien sûr à leur bonheur. Et ensuite le shir, il va citer plusieurs versets où Allah Azzawajal cite le terme An-Nur et il veut dire par là Al-Qur'an. Donc il est important de comprendre que dans beaucoup de versets le terme Nur veut dire Al-Qur'an. Le premier verset qu'il cite le shir, c'est fi surat At-Taghabun et c'est le verset 8. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa an-nur alladhi anzalna. Ça, donc le terme employé par Allah Azzawajal ici c'est An-Nur ou Al-Maqsoud bih Al-Qur'an. Fa'aminu billahi wa rasulihi wa an-nur alladhi anzalna. Croyez en Allah donc et en son messager ainsi qu'en la lumière que nous avons fait descendre. An-Nur. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا. Donc Allah عز وجل ici a cité encore le livre comme étant une lumière et bien sûr le kitab ici le Coran. C'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi, du livre, le Coran. Mais nous en avons fait une lumière. Donc Allah Azza wa Jal, ja'ala hadha al-kitab nouran. Nahdi bi man nasha'u min ibadina. Nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Donc c'est une lumière. Wa kadhalika yaqul Allah Azza wa Jal. Ça c'est fait surat al-Shura et c'est le verset 52. Il dit également Allah Azza wa Jal en citant son livre. Yaqul subhanahu wa ta'ala fi surat al-A'raf et c'est le verset 157. Falladhina amanu bih wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. وَاتَّبَعُوا النُّورِ. Ceux qui croiront, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. Ceux qui croient en lui, ou ceux qui croient en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Donc bien sûr ici le terme qui est employé c'est النور et c'est bien sûr donc l'attribut de ce livre Al-Qur'an, lumière. وَالْمَقْصُودُ بِهِ. وَكَذَلِكَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Ça c'est surat al-Ma'ida, c'est verset 15 et 16. Une lumière et un livre explicites vous sont certes venus d'Allah. Par ceci, c'est-à-dire le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. Yaqul al-shaykh wa hadha an-nur al-ma'nawi yuzil adh-dhulumat. Aw dhulumat al-kufr wad-dalal wal-jahl. C'est-à-dire cette lumière ici, al-ma'nawi. Donc c'est une lumière qui n'est pas palpable, c'est-à-dire une lumière que seuls en fait les cœurs peuvent voir, cette lumière-là. Et cette lumière, elle dissipe quoi? Al-dhulumat. c'est-à-dire elle dissipe les ténèbres. Les ténèbres de quoi? Du kufr. Le kufr également, c'est pas quelque chose que l'on peut palper. Ma'anawi, al-kufr. Wa kadhalik al-dalal, l'égarement. Wa kadhalik al-jahl, c'est-à-dire l'ignorance. Toutes ces choses-là qui sont en fait des ténèbres. Donc, ténèbres de l'ignorance, la ténèbre du kufr, de la mécréance, et les ténèbres de l'égarement. Al-Nur, c'est-à-dire le Coran, il les dissipe. Kama yuzil al-Nur al-Hissi dhulumat al-Layl. Comme en fait la lumière, la lumière que l'on connaît, la lumière qui est palpable, la lumière que l'on voit de nos propres yeux, cette lumière-là que tout le monde se sert, que ce soit le croyant, que ce soit le mécréant, dans la nuit lorsqu'il veut voir le chemin qu'il emprunte, il est obligé d'utiliser cette lumière pour pouvoir distinguer où il marche. Cette lumière-là, An-Nur al-Hissi, qu'est-ce qu'elle dissipe, elle? Elle dissipe les ténèbres de la nuit. Donc on voit ici pourquoi Allah Azzawajal nomme le Coran An-Nur. Pourquoi Allah Azzawajal nomme le Coran An-Nur? Parce qu'il dissipe, ce Coran-là, il dissipe ce que nous, on ne peut distinguer par nos yeux. Et qui est bien sûr Ad-Dulumat, Al-Kufr, Wad-Dalal, Wal-Jahl. Ensuite, le Cheikh, Hafidhahullah, il passe à Surat Al-Ma'ida. Bon, ça, c'est le dernier des versets qu'il a expliqué et qui concerne Surat Al-Nisa. Donc, il a pris quelques passages, le Cheikh, et il va faire de même pour ce qui est de Surat Al-Ma'ida. Surat Al-Ma'ida, la table servie. Et Al-Ma'ida, la table servie, on a déjà dit, on a déjà expliqué que ça fait partie des miracles du Coran. C'est-à-dire, Ikhbar an Al-Ma'ida, la table servie qui est descendue. Et qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre comme signe. Lorsque Isa en a fait la demande. Et comme cela, bien sûr, est détaillé à la fin de la sourate. À la fin de Surat Al-Ma'ida. Et pourquoi ça, c'est un miracle par rapport aux autres livres, c'est qu'en fait c'est une information qui est en relation avec Isa, donc qui est en relation directe avec ceux qui prétendent suivre Isa mais qui en réalité ne le suivent pas. Et bien sûr les chrétiens, ils ne le suivent pas tout simplement parce qu'ils ne suivent pas la croyance à laquelle il a appelé Jésus. Il a appelé à adorer un seul Dieu, il a appelé à être considéré comme un envoyé et un adorateur comme les autres hommes à ce statut, mais qui se distingue bien sûr par la prophétie. Al-Ma'ida, ça n'est pas cité non dans la Bible, et c'est-à-dire dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, également dans la Torah, et ce n'est pas présent, ce khabar, chez les chrétiens ni chez les juifs. Et pourtant le Coran, quand il est descendu, il est venu avec cette information Al-Ma'ida, la table servie. Il a expliqué, il est venu avec cette information qui ne se trouve ni dans l'évangile et qui ne se trouve pas bien sûr dans ce qui était falsifié ensuite par les chrétiens et par les juifs, c'est-à-dire que ce soit dans l'Ancien Testament ou que ce soit dans le Nouveau Testament. Donc ça, c'est un miracle. Et ça prouve bel et bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pris ces informations comme l'ont dit beaucoup de gens qui ont menti sur le prophète bidhulm, c'est-à-dire avec injustice, et qui ont dit qu'il tout simplement il se ressourçait ou il prenait ces informations auprès de chrétiens ou de juifs. Donc ça, c'est clair et net que si il aurait pris ces informations-là, d'où il serait venu avec celle-là, Al-Ma'ida, la table servie. Comment aurait pu apprendre une chose que eux-mêmes ne savaient pas et que eux-mêmes n'ont pas écrit et qui n'est même pas présent dans leur livre. Wallah al-musta'an. Surat al-Ma'ida, le verset qu'il va choisir, le shir, c'est le verset 35. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Subhanallah. Ça c'est fi surat al-Ma'ida, c'est le verset 35. Ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Le chir dans ce verset-là, qui est un verset qui est important, et dont les gens de l'innovation ont pris comme preuve pour attester certains de leurs égarements. Et comme ça c'est le cas, lorsqu'on va y revenir et lorsqu'on va expliquer en détail, c'est le cas de beaucoup de gens de l'innovation, malheureusement, qui en fait expliquent le Coran, qui expliquent le Coran suivant leur passion, et non suivant en fait les règles qui sont connues des gens de science, et qui sont connues bien sûr des salafs. Et le terme ici, qui va être expliqué par le shir, c'est le terme al-wasila. Quelle est en fait la signification de ce terme al-wasila? Donc le terme en arabe, qu'il serait bien d'écrire, c'est al-wasila. يقول الله عز وجل وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله الوسيلة. Le shir va nous expliquer que veut dire ce terme là. Donc الوسيلة يقول الشيخ أمر الله في هذه الآية عباده المؤمنين بتقواه وتقرب إليه بطاعته. والتقوى إذا أفردت تشمل فعل الطاعات وترك المعاصي. طيب. Le shir dans un premier temps nous dit qu'Allah Azza wa Jal dans ce Coran ou dans ce verset là, comme beaucoup de versets, il oblige, il ordonne ses créatures à le craindre. Ittaqullah, ittaqullah. Et qu'est-ce que veut dire bien sûr ittaqwa? C'est à titre en fait de rappel que le shir le cite ici parce qu'il l'a déjà expliqué. Il l'a déjà expliqué dans ses cours. Tout simplement ittaqwa, lorsqu'elle est citée seul, c'est-à-dire lorsque ce terme est cité seul dans le Coran, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire tout simplement faire le ta'at wa tark al ma'asi, c'est-à-dire accomplir les bonnes œuvres et quoi? Et délaisser les péchés. Accomplir les bonnes œuvres et délaisser les péchés. Faire le ta'at wa tark al ma'asi. Hada wa ma'na at-taqwa. Et lorsqu'elle est citée bien sûr seule, et on avait déjà expliqué que le terme taqwa vient avec d'autres termes, et bien entendu le terme al-bir, comme on l'avait expliqué. Et lorsque le terme bir vient accompagner le terme taqwa dans le Coran, comme c'est le cas du verset suivant, wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. Wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa. C'est-à-dire entraidez-vous. Donc al-bir ici, tout simplement, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire le ta'at, c'est-à-dire l'accomplissement des bonnes œuvres. Et ici le terme taqwa, il prend comme signification le délaissement, et bien sûr le délaissement des al-ma'asi, qui sont les péchés. Donc lorsque le terme bir et taqwa sont réunis, al-bir veut dire faire le ta'at, accomplir les bonnes actions, et le terme taqwa veut dire ici tark al-ma'asi, délaisser les péchés. Par contre, si le terme taqwa est utilisé seul sans qu'il soit accompagné du terme al-bir, alors il veut dire à lui seul les deux termes compris, c'est-à-dire ou les deux significations comprises, faire le ta'at ou tark al-ma'asi. Donc c'est très simple à comprendre maintenant le terme taqwa lorsqu'il est utilisé dans le Coran. Et bien sûr ici c'est le verbe qui est utilisé, ittaqullah ala sirati al-amr. Donc c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est bien sûr qui donne un ordre à tout et qui ordonne tous les croyants. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. Le shir maintenant il va expliquer donc le terme الوسيلة, qui est un terme important à comprendre quant au verset. فيقول, et il va bien sûr rappeler une parole de son shir à lui, et qui est shir Muhammad al-Amin al-Shanqiti, et qui est bien sûr l'auteur du fameux tafsir, l'explication du Coran, et qui s'appelle Abwa ul-Bayan fi tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Et bien sûr on avait expliqué déjà que ce tafsir fait partie des grands tafsirs de l'islam, et qui traite en fait de l'explication du Coran par le Coran. Et on avait vu que c'était la première bien sûr martaba, c'est-à-dire la première étape dans l'explication du Coran, c'est-à-dire comprendre les versets du Coran avec d'autres versets du Coran, c'est-à-dire que le Coran il explique ses propres versets, les versets expliquent les autres versets, etc. Donc on comprend le Coran par le Coran. Et lorsqu'on voit en fait et on ouvre le tafsir de ce grand savant de l'islam, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, on s'aperçoit en fait que le shir, à chaque fois qu'il a traité des versets, bien sûr il n'a pas traité tous les versets, parce que ce ne sont pas tous les versets que l'on peut comprendre par le Coran lui-même, et c'est pour ça que l'on passe également, et qui est bien sûr ici la deuxième étape, comprendre le Coran par la sunna, C'est-à-dire qu'on est obligé de comprendre le Coran avec la Sunna. Et on ne peut comprendre le Coran par lui-même. Ça, c'est strictement impossible. Pourquoi ? Parce qu'Allah Azzawajal, il a fait descendre ce Coran sur son messager. Et ce messager, qui est Muhammad ibn Abdullah, salawatullah wa salamun alayhi, c'est lui qui l'a transmis aux gens et qui a non seulement transmis la parole même d'Allah Azzawajal, mais qui a également transmis sa signification. Il a transmis la parole même d'Allah, et qui est la parole d'Allah, kalamullah, comme cela est connu chez les gens de la sunna du consensus. Alladhina yuthbituna al-kalam lillah, ce qui atteste que la parole est d'Allah et que cette parole-là qui se trouve dans le Coran est la parole d'Allah et qui est bien sûr un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a non seulement transmis la parole d'Allah, il a également transmis la signification de ses paroles, de par bien sûr ses paroles à lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également de par ses gestes, salawatullah wa salamun alayhi. Et le cheikh bien sûr Abdel Mohsin, il a été un des élèves de cheikh Mohammed Al-Amin. Donc c'est pour ça qu'il dit dans son livre, qala shaykhuna, yaqul i'lam anna jumhur al-ulama ala anna al-murada bil-wasilati huna huwa al-qurbatu ila Allah ta'ala bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi ala wifqi ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ikhlasin fi dhalika lillahi ta'ala. Il nous dit tout simplement le cheikh que tous les savants ou la plupart des savants, jumhur, lorsqu'on dit bien sûr al-jumhur, c'est la plupart des savants et la majorité des savants disent que la signification du terme al-wasila, al-wasila, ça veut dire al-qurba, ça veut dire al-qurba. Donc c'est un synonyme. Le terme ici, al-wasila, employé par Allah subhanahu wa ta'ala, veut dire, comme nous l'expliquent les savants, al-qurba. Et qui est donc al-qurba, qui est le rapprochement. Bimana annaka tataqarrab ila Allah. Yani tu te rapproches d'Allah azawajal. Et comment tu te rapproches d'Allah azawajal? Comment on se rapproche de notre Seigneur? Bimtithal awamirhi wa ijtinab nawahi. Donc, bien sûr, en faisant et en accomplissant ce qu'il nous a ordonné et en délaissant ce qu'il nous a interdit. Et bien sûr, ça revient également à la signification du terme at-taqwa. Et il dit le shir ala wifqi maja bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ikhlasin fi dhalika lillahi ta'ala. Et bien sûr, le shir en disant ala wifq ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le terme wifq, tout simplement, on va vite comprendre au niveau de la langue arabe, al-muwafaqa, et qui est al-mutaba'a, c'est-à-dire que non seulement on fait cela, on se rapproche d'Allah Azzawajal par ces actes-là, mais que ces actes soient, comment, soient en conformité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est al-muwafaqa, al-mutaba'a, le suivi, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il faisait, dans les actes d'adoration. Donc ne pas faire un acte d'adoration qui n'a pas été fait par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد وكذلك بإخلاص في ذلك لله تعالى. Et bien sûr, ça c'est bien sûr la deuxième condition. Et donc ici, rappel des deux conditions d'acceptation des actes. Et les savants tout le temps nous rappellent cela, parce que c'est une base au niveau de l'islam. La personne qui veut réellement que ses actes soient acceptés, alors qu'il se conforme à ces deux conditions et qu'il mettre en pratique ces deux conditions et qu'ils remplissent ces deux conditions. Donc al-mutaba'a est la deuxième, qui est bien sûr al-ikhlas, et donc avoir une pure intention envers Allah Azzawajal lorsqu'on fait ces actes d'adoration. Il y en a bien sûr, à chaque fois que l'on fait un acte ou qu'on accomplit un ordre d'Allah et qu'on délaisse un interdit d'Allah Azzawajal, on a fait un acte d'adoration. Et ensuite il nous dit un peu plus loin le shir, wa aslu al-wasila at-tariq التي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء إلا الله لأنه لا وسيلة إلا الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالآية المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا. Donc le cheikh nous dit لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله. C'est-à-dire qu'il ne peut avoir, ou avant cela, il a dit bien sûr, ça c'est au niveau de la définition littérale du terme al-wasila. Donc c'est à son origine. Qu'est-ce que le terme al-wasila au niveau de son origine? C'est tout simplement la voie qui rapproche d'une chose. La voie qui rapproche d'une chose. Ça c'est au niveau de la langue arabe. Donc c'est de façon générale. Et le shir, il dit ici, voyez l'amal salih bi ijma' al-ulama, c'est-à-dire la bonne œuvre. C'est-à-dire la bonne œuvre. Bi ijma' al-ulama, sans aucune. Bi ijma', c'est-à-dire avec consensus, sans qu'il y ait en fait de divergence dans cela. Donc c'est l'amal salih pour ce qui concerne bien sûr la religion. Et il dit, liannahu la wasilata ila Allah ta'ala illa bi ittiba'i rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on ne peut, donc al-wasila qui est le qurba, on ne peut se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et on ne peut donc emprunter la voie qui va nous diriger vers Allah Azza wa Jal qu'en suivant le prophète. Il n'est pas possible de suivre une voie qui va nous amener à Allah Azza wa Jal et qui est différente de celle du prophète. Ça, c'est strictement impossible. Wa ghayru ma'qul. Et ce n'est pas acceptable au niveau de la raison de suivre une voie qui serait donc une autre voie que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici le terme al-wasila prend toute son importance lorsque le shir nous l'explique. Et il nous dit, si maintenant on sait donc le terme, qu'est-ce que veut dire en fait le terme al-wasila, et que c'est en fait la voie qui va nous mener à Allah Azza wa Jal, et que cette voie là c'est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il nous dit les versets qui mettent en valeur et qui nous précisent cela, ils sont beaucoup dans le Coran. Parmi les exemples qu'il va nous donner, bien sûr, يقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ça c'est Naam. Ce verset, bien sûr, qui est le suivant. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, absentez-vous-en, tout simplement. Donc ici on voit encore ittiba ar-rasul, on voit en fait le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qui est les ordres et dans ce qui est des quoi, des interdits. Et comme il nous avait dit le shir, wa qurbatu ila Allah ta'ala bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi. Donc ici on voit en fait cette phrase qui prend toute sa valeur à travers ce verset du Coran. وكذلك وقوله قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول, c'est-à-dire suivez Allah Azza wa Jalla et suivez son prophète, qui fait surat An-Nur et qui est le verset 54, et beaucoup de versets vont dans le même sens. Et ensuite, lorsqu'il a dit bien sûr ان جمهور العلماء ان المراد بالوسيله هنا هو القربة, il a voulu par là dire que il y a d'autres savants qui ont dit que معنى الوسيله ce n'était pas القربة, mais c'était en fait al-haja, al-haja. Et al-haja, c'est bien sûr un autre terme qui est employé. Et cette explication du terme al-wasila par al-haja, elle est venue de la part de Ibn Abbas. Elle était rapportée par Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma. Et en fait, le shir, il va nous expliquer tout simplement que même en expliquant le terme donné par Ibn Abbas au niveau de la signification du terme al-wasila, qui veut dire donc al-haja. Al-haja, ça c'est un terme qui est général, qui veut dire donc le besoin. Fayaqul wa ala hadha al-qawl alladhi ruya an Ibn Abbas fal-ma'na wa bitaghu ilayhi al-wasila utlubu hajatakum min Allah liannahu wahdahu huwa alladhi yaqdir ala i'ta'iha. Il nous dit tout simplement, lorsqu'on comprend donc ce terme-là, ibtaru ilayhi al-wasila, et on le remplace donc, pour au niveau de la compréhension, par le terme al-haja, c'est-à-dire demander à Allah Azza wa Jal votre besoin, ce dont vous avez besoin. Et tout simplement, c'est demander à Allah Azza wa Jal ce que seul Allah Azza wa Jal est capable de faire. Et personne ne peut donner ou ne peut apporter le besoin qu'à l'homme, si ce n'est Allah Azza wa Jal. Et il va nous expliquer maintenant ce verset par un autre verset, فَيَقُلُ اللَّهُ عَزَوْ جَلْ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَيَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ الآية, وقوله وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ الآية, وفي الحديث وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. Donc le shaykh va revenir maintenant, suivant donc l'explication d'Ibn Abbas, avec d'autres versets qui mettent en valeur l'explication qui nous est maintenant donnée. Donc, le verset qu'il a cité, c'est le suivant: Innal ladhina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'budu. Et bien sûr, le terme ici rizqa, ça va venir dans la même signification du terme haja, ar-rizq, qui est ce dont on a besoin. Le terme rizq, c'est un terme qui est général. et tout ce dont on a besoin. Ce n'est pas non seulement que la nourriture, le manger, tout ce que la personne a besoin. C'est un risque de la part d'Allah Azzawajal. Même le fait qu'Allah Azzawajal nous donne des enfants, c'est considéré également comme un risque de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le verset c'est le suivant: ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer, donc le terme risque, votre besoin. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah et adorez-le. Donc ici Allah Azzawajal, il nous fait part et il nous dit dans ce verset là qu'il faut tout simplement rechercher la subsistance dont on a besoin auprès de lui, et que ceux que vous adorez en dehors de lui, donc ici il fait allusion bien sûr aux mushrikoun, il met le point sur les mushrikoun et il fait voir en fait leur égarement, c'est-à-dire que vous adorez ceux qui ne possèdent même pas ce dont vous leur demandez, et qui est bien sûr le besoin, ce dont vous avez besoin, risk al-wasila, qui est bimarna huna al-haja. Et donc le verset est clair pour nous dire, donc demandez à Allah Azzawajal, demandez, fabtaru indallahi risk, demandez, cherchez auprès d'Allah, comme dans l'autre verset ou le verset que l'on cite, wabtaru ilayhi al-wasila al-haja. Taïb, wa kadalik, l'autre verset, wa abudu, et bien sûr adorez-le, parce que celui dont seul est capable de vous donner votre subsistance, c'est lui donc seul qui mérite l'adoration. Wa qawlu was'alu Allah min fadli, c'est également pareil, was'alu, c'est-à-dire demandez à Allah Azzawajal, demandez de par sa grâce subhanahu wa ta'ala. Et comme aussi dans le verset ou comme marfoun dans le hadith, wa idha sa'alta fas'alillah, si tu demandes alors demande à Allah Azzawajal, si tu demandes, demande à Allah Azzawajal ton besoin. Et également, pour comprendre la parole de Ibn Abbas et voir qu'il n'y a aucune, au niveau de la signification générale, il n'y a aucune en fait contradiction avec l'explication que donnent les vers, la plupart des savants lorsqu'ils disent Al-Qurba, on a dit que Al-Qurba en fait, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à Allah Azzawajal, taïb. Et donc, bien sûr, c'est l'adoration. C'est-à-dire qu'on va adorer Allah lorsque maintenant je fais les bonnes œuvres et je délaisse les mauvaises œuvres, et je le fais suivant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une adoration. Et donc, al-hajj, le fait de demander à Allah azzawajal, n'est-ce pas une adoration? Bien sûr, ça fait partie aussi de l'adoration. Le fait que tu demandes à Allah azzawajal ce dont tu as besoin, ça fait partie de l'adoration. Donc, on a tahqiq al-ibada. C'est la concrétisation de l'adoration. Donc, tu as concrétisé l'adoration par ce verset. Si tu appliques ce verset, tu concrétises l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc que tu traduises ou que tu expliques le terme al-qurba ou al-haja, ça revient en fait au même sous cet aspect là donc il n'y a pas de contradiction entre l'explication donnée par Ibn Abbas avec le terme al-haja et le terme donné par la plupart des savants par al-qurba. Et si le shir en fait il insiste sur ce terme al-wasila, comme je l'ai dit, c'est que beaucoup de personnes ont pris ce terme-là, le wasila, pour en fait appuyer leur égarement. Et c'est ce que va nous dire également le shir Mohamed Al-Amin. Et il nous dit que le wasila, il va faire bien sûr, il va répondre et va réfuter ce que prétendent beaucoup de soufis. Qu'est-ce qu'ils prétendent en fait lorsqu'ils viennent à l'explication de ce verset, وَيَقُولُونَ وَبْتَرُوا, lorsqu'ils citent le verset d'Allah, وَبْتَرُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ, qu'est-ce qu'ils disent الْوَسِيلَ, qu'est-ce que veut dire الْوَسِيلَ? C'est الشير الَّذِي يَكُنْ لَهُ وَاسِطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. Ça c'est ce qu'explique en fait كما يقول الشير أتباع الجهال المدعين للتصوف المدعين للتصوف أن المراد بالوسيلة في الآية الشير. Vous savez que chez les soufis, ils ont en fait ce qu'on appelle la tariqa, c'est-à-dire une voie qui va mener à Allah. Lorsqu'ils disent une voie, eux, il leur faut une voie en fait pour qu'ils mènent à Allah, comme s'ils n'avaient pas trouvé une voie dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chez un ajib, comme s'ils avaient besoin en fait d'inventer une autre voie qui n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour arriver à Allah. Ala ajib, c'est une chose qui est étonnante. Lorsqu'on réfléchit sur la base de leur égarement, c'est quelque chose qui est étonnant, très étonnant, une chose très étonnante, que d'essayer et d'inventer une voie qui est différente de celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller et pour se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, chaque tariqa, c'est-à-dire que bien sûr ils sont divisés, il y a beaucoup de soufis dans le monde entier, et que chacun ils ont une tariqa, chacun en fait ils ont une voie bien précise, une voie qui est à eux, et que en fait celui qui va suivre cette voie là il va arriver à Allah Azzawajal, et il va en fait devenir, il va faire partir des rapprochés d'Allah Azzawajal. Et donc à la kulli hal, sans s'étaler sur l'égarement de ces gens là qui est clair lorsqu'on regarde tout simplement la base de raisonnement de leur minhaj, parce que c'est une voie également, on peut appeler ça également minhaj, c'est-à-dire comment, quelle voie ils ont emprunté pour comprendre l'islam et pour appliquer cet islam. Ils disent au niveau du terme al-wasila que c'est le shir. Et donc le shir, c'est la personne en fait qui va être entre celui qui veut se diriger vers Allah Azzawajal, hein, et sa propre personne. C'est donc un intermédiaire. C'est pour ça que le shir dit wasila. Donc eux, ils expliquent le terme al-wasila, wabtaru ilayhi al-wasila, c'est-à-dire le shir. C'est-à-dire que tu ne pourras advenir et tu ne pourras arriver et te rapprocher d'Allah Azzawajal qu'en passant par ce que va te dire le shir, ou en passant par ce que va t'ordonner le shir, par ce que va t'interdire le shir. Tout ce que le shir te dit de faire, tu devras le faire. Limada? Parce qu'Allah Azzawajal dit dans son Coran, wabtaru ilayhi al-wasila. Ajib. وَبْتَرُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ الْوَسِيلَةِ مَعْنَا الشِّيْرِ. Regardez comment يقول الشيخ التلاعب بكتاب الله. هذا هو التلاعب بكتاب الله. C'est-à-dire on s'amuse avec les versets du Coran. On les explique suivant sa passion. Comment on a envie de les prendre. Ça c'est ce qu'on appelle le talaub. Allah al-Musta'an. Comment on fait les chrétiens, comment on fait les juifs avec les versets du Coran. Ils se sont amusés avec les versets du Coran. Ils ont compris, ils ont employé les versets du Coran suivant leur passion. Allah al-Musta'an. C'est pour ça qu'il يقول الشيخ أَنَّهُ تَخَبُّط Et il dit, à partir de là, il n'y a plus de différence entre les mouchriquines et entre eux. Pourquoi? Parce que Allah Azzawajal Yaqul, lorsqu'il parle des mouchriquines, il dit, et lorsqu'il rappelle leurs paroles, il dit, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Hada kalamul mouchriquine, al mouchriquine. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Lorsqu'on leur demande pourquoi vous adorez ces statues, pourquoi vous adorez ces choses en dehors d'Allah Azzawajal de façon générale, ils répondent ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ça c'est leur réponse. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. Enam, on voit ici le terme qui est employé. Liyuqarribuna, ça c'est leur shubuat. Ça c'est en fait, c'est leur ambiguïté. Ils disent liyuqarribuna. Donc le terme employé ici c'est le verbe, qui vient bien sûr du terme al-qurba. Donc on voit encore, au niveau de la langue, on voit en fait le rapprochement avec le terme al-wasila. Pour que l'on comprenne en fait que lorsqu'ils ont dit, ils ont expliqué les soufis al-wasila, ils ont tout simplement voulu dire une personne ou un intermédiaire que l'on met entre nous et Allah Azzawajal pour se rapprocher d'Allah Azzawajal. Et c'est exactement la parole des mouchrikoun, la parole des associateurs. C'est leur parole exactement comme Allah Azzawajal l'a cité dans son Coran. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Donc c'est la même chose. C'est la même chose, exactement la même chose. Toute personne qui prend un intermédiaire entre lui et Allah Azzawajal, alors sache qu'il est tombé dans le shirk, dans l'associationnisme. Wa qawlu wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Il dit Allah Azza wa Jalla, le sens de ce verset, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah, intercesseurs. شفعاؤنا عند الله. Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit, informez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre, subhanallah. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Regardez comme Allah Azzawajal a désigné en fait cette parole et cet acte là comme étant du shirk. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Pureté à lui est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Ce qui lui associe, c'est du shirk. C'est du shirk le fait de mettre, de placer des gens, de les mettre comme intercesseurs, de les placer comme des al-wasa'it, comme des intermédiaires entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'ont fait ces gens-là lorsqu'ils ont tout simplement innové dans leur religion et pris une voie qui n'est pas celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et placé des gens placer des gens qui les prennent comme adoration, parce que le fait de suivre une personne, de faire tout ce qu'elle fait et de lui obéir au doigt et à l'œil, même si ça contredit la religion, c'est un acte bien sûr d'adoration. Wallah al-musta'an. Et c'est le cas de ces gens-là qui ont suivi donc ces voies de soufisme. Wallah al-musta'an. Et c'est pour ça que le shir, il termine sa phrase en disant, shir Muhammad, rahimallah, فَيَجِبْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الطَّرِيقَ الْمُوصِلَةَ إِلَى رِضَى اللَّهِ وَجَنَّتِهِ وَرَحْمَتِهِ هِيَ اتِّبَاعُ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم. Et il nous dit que فَيَجِبْ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الطَّرِيقَ الْمُوصِلَةَ. C'est-à-dire, il incombe à chaque personne qui est responsable de ses actes, al-mukallaf, qui est responsable de ses actes, qu'il sache en fait que la seule voie qui va nous amener à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et son paradis et sa miséricorde, c'est le suivi du prophète yattiba ar-rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et non en fait les voies que ces gens-là, les gens d'innovation, ont innové, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa man hadda an dhalik faqad dalla sawa as-sabil. Et ensuite il cite ce verset: laysa bi amaniyikum wala amani ahli al-kitab. Ceci ne dépend ni de vos désirs ni des désirs du genre du livre. C'est-à-dire que cette religion-là, c'est pas suivant bien sûr notre passion et pas suivant ce que nous on désire, comme nous on la veut notre religion. Notre religion, c'est comme elle est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici bien sûr une parenthèse que l'on fait, c'est que l'on trouve malheureusement beaucoup de gens qui parlent sur la religion avec la plus grande des ignorances et qui en fait utilisent le Coran, éliminer les versets du Coran ou la compréhension saine que l'on doit avoir du Coran. C'est pour ça que on en entend des paroles, on entend par exemple, à titre d'exemple de nos jours, on dit en fait dans le Coran il n'y a pas l'obligation du voile, c'est à titre d'exemple. On nous dit tout simplement le Coran en fait nous invite à pratiquer la démocratie, à titre d'exemple, etc. Des gens en fait qui ne veulent pas de la religion aslam, ils ne veulent pas de la religion de l'islam telle qu'elle est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour ceux bien sûr lorsqu'ils se disent musulmans, ils sont obligés de revenir au verset du Coran. Donc le problème, lorsque tu vas revenir au verset du Coran, comment tu vas faire lorsque le verset contredit totalement ta pensée? Alors tu vas t'amuser avec le Coran, at-tala'ub, comme l'ont fait les soufis et comme le font les gens qui apparaissent de nos jours et que l'on appelle comme al-mufakkirin fi l'islam, c'est-à-dire les grands penseurs d'islam, et qui pensent à rien sauf avec leur passion, wallah al-musta'an. Donc en fait, al-Qur'an, comme ici c'est un exemple, lorsqu'on a vu l'explication du terme al-wasila, il se comprend suivant la compréhension des salafs, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Et c'est pour ça que cela est important. Quelle est la différence maintenant entre nous et les gens de l'innovation? Comme elle est différente entre les gens de l'égarement et nous? Tout simplement, c'est avec cette compréhension. Sinon, les gens, ils expliquent le Coran comme ils le veulent. Comme ils le veulent, ils expliquent le Coran. Jusqu'à des choses qui sortent complètement en fait de l'aql, qui sortent complètement en fait de la raison. Comme la parole des chiites, lorsqu'ils viennent à l'explication de ce verset, Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Lorsque Moussa bien sûr est venu à Banu Israël et leur a demandé d'égorger al-baqara, vous savez ce qu'ils disent les shia, les chiites, vous savez ce qu'ils disent sur l'explication du terme al-baqara? Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Ils disent al-baqara yani hum al-mu'minin Aisha. Voilà ce qu'ils disent. Regardez comme ils s'amusent avec les versets du Coran, haoula al-khubafa, subhanallah. Ils viennent avec le terme al-baqara, qui est bien sûr la vache, et qui est connu l'histoire de Bani Israël avec Moussa, pour ce qui est de la vache, et ils viennent tout simplement expliquer le terme al-baqara, et ils disent que c'est Aïcha Umm al-Mu'minin. Regardez Tala'ub bil ayat al-Qur'an. C'est-à-dire que tout simplement, si on ouvre cette porte-là, comprendre les versets suivant notre passion, comprendre nos versets suivant notre époque, comme ils disent, comprendre les versets suivant notre époque. C'est-à-dire que ce soit que les versets, on doit les comprendre suivant, bien sûr, l'endroit où on se vit. Même si on vit dans le Fibilad al-Kufr, si on vit en fait dans un pays mécréant, qu'on s'est imbibé de cette pensée-là, de la pensée en fait des gens avec lesquels on vit autour de nous, Alors on dit tout simplement, même, on doit comprendre en fait le Coran suivant notre société, suivant. Et on vient bien sûr à l'explication de versets qui n'ont strictement rien à voir avec l'explication authentique des versets du Coran, c'est-à-dire l'explication que nous ont donné les salafs. Donc tout simplement, si on ouvre cette porte-là, on ouvre une porte qui n'en finit pas. C'est-à-dire qu'on va tout simplement utiliser et on va comprendre et on va interpréter les versets du Coran comme on le veut. Comme on veut. C'est-à-dire après, il ne reste plus de dîmes, c'est terminé. C'est une porte qu'on a ouverte et qu'on ne refermera plus. Et c'est comme on fait bien sûr les juifs et les chrétiens avec leurs livres. Donc, ô les musulmans, cette compréhension du livre d'Allah Azzawajal, à l'exemple qu'on a donné, un exemple concret, il se fait par la compréhension des pieux prédécesseurs. Il se fait par la compréhension que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et que ces gens-là, les compagnons, et ensuite ceux qui les ont suivis, nous ont retransmis. Et qui sont, alhamdulillah, wa min fadlillah azawajal, hada min rahmatillah. Ceci, ça fait partie, bien sûr, de la miséricorde d'Allah azawajal. C'est que ces explications, elles sont écrites. Et elles sont présentes dans les tafasir. Lorsqu'on va dans les bibliothèques, on trouve, alhamdulillah, tous les tafsirs qui sont écrits, qui ont été révisés, c'est-à-dire muhaqqaq, et que l'on peut ouvrir et comprendre. Alhamdulillah min fadlillah azawajal. C'est que cette science-là, Allah azawajal, il l'a préservée. Il l'a préservée dans un premier temps, fi soudour al-ulama, c'est-à-dire dans le cœur des savants, dans la poitrine des savants. Et il l'a conservée également dans ses livres. Mais bien sûr, ces livres-là ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'il faut également que les savants soient là pour nous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de ces livres. Donc la place du savant est une place qui est primordiale, bien sûr, et ne peut remplacer la place du livre en lui-même. Et c'est pour ça que Allah Azawajal, à la fin des temps, lorsqu'il va bien sûr prendre les... lorsqu'il va enlever en fait la science, il va l'enlever biqabd al-ulama, comme a déjà fait hadith Abdullah ibn Amr. Naam. Comme a déjà fait hadith Abdullah ibn Amr. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an min sudur al-ulama, lakin yaqbidu al-ilm biqabd al-ulama, hatta idha lam yubqi aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala, fasu'ilu fa'aftu bi... فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal ne va pas enlever la science directement de la poitrine des savants, mais il va l'enlever بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, c'est-à-dire en saisissant les savants, en faisant mourir les savants, jusqu'à qu'il ne reste plus de savants. Et lorsqu'il ne restera plus de savants, bien sûr, les gens vont demander إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَلًا, c'est-à-dire que les gens vont prendre comme guide des ignorants. Ils vont leur demander et eux, ils vont leur répondre par ignorance. Et ensuite, les gens, bien sûr, automatiquement, sont dans l'engarement. Wallah al-musta'an. On va s'arrêter là, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.